La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de la pourvoirie du Lacoski. Pour une expérience en forêt à 200 km au nord du lac Saint-Jean, la pourvoirie du lac Oski vous offre une pêche réussie. Pour information sur nos différents forfaits, visitez le site internet au lac-oski.com. On va parler avec notre ami Claude Roy, c'est la chronique de pêche. Salut Claude! Bonjour. Claude, on parle de quoi aujourd'hui? J'ai oublié de te demander ça. Écoute, on va parler des embarcations parce que là, les gens vont commencer à aller dans le bois. Puis je viens d'avoir justement quelqu'un qui arrive en forêt. Les routes sont défoncées, les routes sont brisées et les gens se promènent avec leur embarcation autant en fibre de verre qu'en aluminium avec des trailers, des remorques qui ne sont pas adaptées à leur bateau. Mmh. Et ça, c'est très dommageable pour l'embarcation parce que là, on va savoir c'est quoi de la planche à laver, là, tu sais, quand on se promène dans les routes puis c'est bosselé partout. Ça, c'est très, très, très, très dur pour les fonds de bateaux. Mmh. Et il faut remarquer qu'il y a deux types de remorques pour les bateaux. Il y en a un avec des rouleaux. Donc, on voit ça de temps en temps, des remorques où c'est des rouleaux qui soutiennent le bateau. Ça, c'est fait exclusivement pour les embarcations de fibres de verre. Okay. On ne met jamais une embarcation d'aluminium sur une remorque avec des rouleaux. Parce que de un, on va défoncer les rivets, on va briser l'embarcation, et si jamais l'embarcation est garantie par une compagnie, par exemple, elle ne sera plus garantie. Mm. Parce qu'on ne peut pas mettre de bateau d'aluminium sur une remorque à rouleaux, il faut la mettre sur une remorque qu'on appelle « steel bunk », c'est-à-dire des planches de bois recouvertes de tapis, et ça, c'est très important. Deuxième point, c'est quand on traîne nos moteurs après les embarcations. Tout le poids du moteur repose sur la partie arrière, le tableau arrière, qu'on appelle en anglais le transom. Mmh. Et le tableau arrière est excessivement fragile de bateau. C'est ça qui retient le moteur, mais c'est ça qui donne toute la rigidité au bateau. Donc, faites bien attention, ça prend un support de moteur. Je peux pas vous le décrire à la radio, c'est très difficile, mais tous les marchands de bateaux savent exactement de quoi on parle. Pour soutenir le moteur après la remorque, et non pas juste après le bateau, ça s'appelle en anglais un transom saver, ça s'appelle aussi un support de moteur. Ça, c'est important quand on s'en va dans le bois. Et troisièmement, les fameux bungees, tu sais, juste les bungees, juste des petits élastiques, ça fait pas pour tenir une chaloupe sur une remorque. Il faut que ça soit excessivement rigide et ça, c'est vraiment très important. Donc, le transport des embarcations en nature, il faut vraiment faire attention. OK. Ça complète pour cette semaine? Ça complète pour cette semaine, mon ami. Claude, on s'en reparle le vendredi prochain, donc c'est la chronique de pêche avec notre ami Claude Roy.